bienvenue à cette conférence ayant pour titre la structure opérationnelle du miracle. Pour ceux qui nous ont placés au 7e ciel. On va apprendre de comment arrêter de payer de l'impôt, comment ne pas être malade. C'est ça? Ensuite? Ensuite, on va commencer par ça. Là. L'impôt, c'est ton plus gros problème? Après, c'est ta santé. Il est en ordre. Il est en ordre décroissant. C'est parce que l'impôt te rend malade? C'est ça. Fait que si tu enlèves l'impôt, tu règles la maladie. Déménage dans un pays où tu ne payes pas d'impôt. Non, mais ça va être un miracle d'être bien servi, avoir des services comme on a ici, puis pas payer d'impôts. Ah ben oui. C'est un peu ça qu'on demande, finalement, des fois. Dernièrement, je voyais sur une automobile de certains personnages qui demandent les deux lunes qui tournent autour de la planète Terre. C'était écrit « L'impôt, c'est du vol ». Puis sur la façade de la maison, l'automobile était stationnée, c'était écrit « Nous réclamons 15 000 $ pour la femme au foyer ». La question, c'est que le gouvernement va prendre ton argent où? Mmh. Les autres, ils veulent que le gouvernement leur en donne, mais il faut que le gouvernement en prenne nulle part. L'impôt, c'est du vol, puis il donne ça. C'est le processus du miracle. Ah, les autres, ils croient effectivement qu'il va avoir les deux lunes. T'sais, il n'y en a qu'une, mais il fallait avoir les deux lunes, eux autres. Oui. Les miracles qu'on a entendu parler, surtout dans le temps du Nazaréen, depuis ce temps-là, tout ce qui se fait considéré comme illégal. Considéré comme étant normal. C'est ça, c'est illégal depuis ce temps-là, les miracles. On calcule 1 milliard de fois plus vite avec un ordinateur gros comme mon doigt, mais ça, c'est pas un miracle. Non, ça, c'est normal. C'est sûr. Mais comment on peut définir qu'à partir d'où ça devient un miracle? À partir d'où c'est de l'évolution? C'est simple. Un miracle, c'est toujours un processus qui se révèle positif et qui échappe totalement à la compréhension de l'individu qui le vit. C'est un miracle. Un miracle, ça peut pas être négatif? Non. Pas pour l'humain. On parle de définition de miracle, mm-hmm. Là... Pouf, il te manque un bras. Ah, c'est un miracle! C'est plutôt, il te manque un bras, pouf, t'en as deux. Ah là, c'est un miracle. Il y en a un qui est allé, m'a donné à l'oratoire Saint-Joseph, il avait une jambe de bois. Puis il rentrait en disant, Dieu, faites que mon autre jambe devienne pareille. Puis il est sorti avec deux jambes de bois. C'était pas... Ils l'ont pas catalogué comme étant un miraculeux. Non, ça, il n'a pas spécifié tout à fait que, quelle jambe devait ressembler à quelle jambe. Il faut vraiment être prudent dans nos demandes. C'est ça. Fait que là, c'était pas un miracle, c'était un corps de racle. Alors, un miracle, donc, c'est n'importe quel processus qui échappe à la compréhension de ceux qui sont observateurs. Et puis ça devient, ça amène quelque chose de positif, mais ce qui semble illogique ou improbable, en tout cas. Illogique, simplement que ça échappe à la compréhension des observateurs. L'observateur peut être la personne qui vit le phénomène, l'observateur peut être les personnes qui observent, celui qui vit le phénomène. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une maladie, qu'on va appeler un cancer. Et à un moment donné, on donne des traitements en chimiothérapie, on donne des traitements en radiothérapie, et on donne un paquet de traitements. Et puis, ça prend 2 ans, 3 ans, et puis finalement, ça guérit plus ou moins. On tue les cellules cancéreuses, puis on tue toutes les bonnes cellules qu'il y avait autour. Alors, il y a un paquet d'effets secondaires. Et puis, à un moment donné, disons, tu rencontres un personnage, et tu lui serres la main, et puis 2 jours après, ton cancer est totalement résorbé, il n'y a plus aucun problème. Alors, la personne va dire c'est un miracle. Pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas le processus qui l'a amené à être guéri. Une autre personne va dire « j'aurais besoin d'argent ». Et puis, elle glisse par terre, puis elle se ramasse une année avec un billet de 100 $. Ben, elle va dire « ah ben ça, c'est quel hasard ». Et la personne, elle a besoin d'argent et à un moment donné, tout va vraiment mal. C'est très, très, très, très noir. Et puis là, on va glisser sur son billet, avec encore, on va tomber sur son billet de 100 $. Là, on peut peut-être dire que c'est un miracle. Donc, le miracle est aussi une question de l'importance qu'on accorde à ce qu'on demande. Comment ça comble un besoin? Comment grand était le besoin qui a été comblé? C'est ça. Si ton besoin n'est pas tellement important du point de vue émotif, c'est pas un miracle, c'est un hasard. C'est intéressant. Il y a un personnage qui croyait énormément en Dieu, et puis à un moment donné, il s'est dit, Dieu, si j'ai à voyager, faites-moi voyager. Et puis là, en se promenant sur la rue, il trouve un billet d'avion que quelqu'un avait perdu, puis le billet était transféré à bord, il s'est ramassé ailleurs. Et puis il a passé plusieurs années de sa vie comme ça à voyager, à vivre, en trouvant de l'argent, en trouvant des affaires, il allait exactement où il fallait. C'était un Wayne Gretzky du hasard. Alors, il a trouvé la bonne place au bon moment. Et puis, à un moment donné, il s'est fait une église, évidemment. C'est une espèce de grosse, grosse église de verre. Et puis, c'est le temple de cristal, la cathédrale de cristal, ce que ça existe aux États-Unis. Et puis, le bonhomme, il a fait beaucoup d'argent. Et ça, c'était des miracles pour lui. Pourquoi? Parce que lui était convaincu que c'est Dieu qui lui donnait. Ça fait encore partie aussi de la vision humaine de l'idée du miracle. C'est que si Satan vous guérit, c'est pas un miracle. Si c'est Dieu qui vous guérit, ça c'est un miracle. Alors, donc, quand on parle de miracle, ça peut être un miracle de caractéristiques religieuses. Ça peut être un miracle médical, ça peut être un miracle financier, ça peut être un miracle humain. Est-ce qu'on peut déclencher les miracles? On va voir ce soir de quelle façon on doit déclencher les miracles. Parce que sinon, si on attend que ce soit d'autres qui décèdent à notre place, ça va pas vite, parce qu'ils n'en font pas souvent chez nous. C'est-à-dire que oui, des miracles, il y en a sans arrêt. Parce qu'on ne les voit plus? Ben, quand une personne est habituée à un miracle, il n'y a plus de problème. Si tout le monde pourrait marcher sur les eaux, il n'y aurait aucun problème là. On se dirait, ben, c'est normal, gars, tu mets le pied sur l'eau, c'est solide. T'sais. Si tu marches sur l'eau, on marche bien sur le sol, puis c'est des atomes, même chose que l'eau. Hein, c'est un bouillonnement d'atomes, le sol. C'est totalement, ça se promène, c'est aussi peu solide que de l'eau. Sauf qu'on marche sur le sol, parce qu'on se dit, c'est bien sûr. Ben, c'est des atomes. Puis les atomes, ils sont en folie totale. Il y a des orbitales, ça tourne, puis c'est vraiment, il n'y a rien qui se touche là-dedans. C'est bourré de trous. Puis quand tu marches, d'ailleurs, les ondes radio traversent les murs. Pourquoi? Ben, c'est plein de trous là-dedans. Hein? C'est pour ça que les ondes radio traversent. Vous avez des fours à micro-ondes. Vous avez remarqué qu'il y avait un petit grillage de métal devant le verre. Il y a des petits trous. Mais les micro-ondes sont juste assez gros qu'ils ne peuvent pas traverser par ces trous-là. Ça fait qu'ils sont réfléchis par le métal. Alors, si les trous sont un peu plus gros, les micro-ondes traversent. Quand la majorité des mécaniques d'ondes traversent les murs, etc., c'est parce qu'ils sont juste les trous là-dedans sont énormes. La personne, elle marche sur un sol, puis quand elle tombe dans l'eau, elle se noie. Mais disons qu'elle ne se noie pas, manage. Elle va dire, ben c'est normal, c'est sûr. On est tellement habitué de vivre certains miracles, des processus qui échappent totalement à la compréhension de l'humain, que pour nous, ça devient ce qu'on appelle des choses normales. Alors, je le dis souvent, on mange du steak, on mange du riz, on mange des pommes, puis tous ces aliments-là deviennent notre corps. C'est évident, c'est bien sûr. Puis là, on prend un bébé, puis on lui donne plein de pablum, puis à un moment donné, ben il grandit. Tu sais, il n'y a pas un bras qui est plus vite que l'autre, il n'y a pas des bras qui sortent de côté. Tout marche à merveille, c'est impeccable. Le crâne grossit, le cerveau grossit, les yeux, le nerf optique s'allonge en fonction de le grossissement du crâne. Tu sais, là, il ne rentre pas dedans à un moment donné, ben là, il ne prend pas, ben ça pousse trop vite. T'sais. Tout est parfait. Ah, mais c'est normal, c'est un miracle. On est habitué, celui-là. Je dis souvent, on prend une graine, on la fout dans un sol, on l'arrose de temps en temps, puis on sort un arbre. Ça veut dire que tout le sol au complet se transmute en arbre. Ah, mais c'est normal, c'est bien sûr, c'est officiel, c'est bien sûr, ça. Le phototropisme, tu connais ça? Non. C'est les plantes, ils se tournent vers le soleil, ils suivent le soleil. Mais il y a pire que ça, vous prenez une graine, vous la plantez à l'envers dans le sol, puis la torieuse, elle pousse, elle revient devant, elle monte. Comment ils savent? Hein? Les personnes qui se font enterrer par des avalanches, là, ils savent plus, ils creusent pour sortir de l'avalanche, puis ils s'enterrent. La technique, c'est de cracher. Si ton morvia t'en revient le visage, parce que c'est ça, c'est la technique. Tu creuses un trou, puis tu craches, tu regardes où ça va. Parce que sans ça, tu sais pas où ce qui est. Puis la graine, elle, t'as la plante là-dedans, elle pousse, elle monte dans la bonne place. Elle. Comment elle fait, la graine? L'homme, il peut pas. Puis plus souvent qu'autrement, plus, les gens creusent dans le mauvais sens. Oui. Alors, j'ai déjà lu un article là-dessus qu'en Europe, il y avait retrouvé des personnes qui s'étaient creusées pas mal plus creux que où ils étaient. Il y avait une avalanche, puis effectivement, ils sont morts eux-mêmes, ils ont creusé leur tombe parce qu'ils ont descendu à l'envers. Ils savent ce que c'est. La plongée sous-marine, souvent, c'est la même chose. Là, cracher, ça sert à rien, évidemment, c'est dans l'eau. Mais c'est la même chose. Fait que là, c'est les bulles d'air qui devraient t'indiquer par où tu dois t'en aller. Parce que sans ça, tu perds carrément le contact avec ce que l'humain appelle la réalité. La graine, tu la plantes à l'envers, elle revient d'abord, elle pousse, elle monte, elle sort. La vie est belle. Alors, des miracles, il y en a sans arrêt. Si on regarde simplement la position de notre planète autour de notre Soleil, on dit le Soleil est chaud. Vous savez que le Soleil, à distance qu'il est de notre planète, le rayonnement solaire, on reçoit quasiment rien du Soleil, nous autres. Là, hein? C'est partout dans l'espace que la chaleur s'en va. On reçoit à peu près rien, nous autres. On reçoit juste ce qu'il faut pour permettre la vie. On a une atmosphère juste parfaite pour permettre tout. On a tout parfait. Puis on dit, ben c'est sûr. Ça, c'est des miracles. Maintenant, on va aborder des miracles qui ne sont pas sûrs. C'est parce que ceux-là sont devenus normales, sont devenus standards. Des miracles qui sont normaux, puis là, on dit, c'est évident, c'est... Hein? Tu dis à un médecin, vous avez déjà remarqué une chose extraordinaire chez l'humain? Le médecin, il demande quoi? C'est qu'on vit. Le médecin va dire, hey, t'es fait pas mal. C'est un miracle. C'est pas juste que le corps, que la matière puisse être animée, c'est qu'en plus, on puisse réfléchir dedans. C'est en plus qu'on puisse vivre de l'émotivité là-dedans. En plus, qu'on puisse se rappeler des choses là-dedans. Puis quelqu'un dira, oui, mais c'est parce qu'on a une arme. Mais ça explique rien de plus. Oh, c'est beau, on a une arme. Bon, génial, on a une arme. C'est un miracle, on a une arme. On a un esprit en plus. Oui. Il y en a qui sont capables de prémonition, il y en a qui sont capables de post-monition. Bon, c'est extraordinaire. On est habitué. On est habitué. Comment vous faites pour voir avec vos yeux? Très sûr. C'est de la matière comme le reste. Et on voit, on voit. L'œil ne voit pas, mais l'œil ne se voit pas lui-même, tu sais, mais on voit par l'œil. Ça va dans le cerveau enregistre les choses. On entend d'autres longueurs d'onde qui sont le son. On perçoit la chaleur qui est d'autres longueurs d'onde. Puis nous, on se dit, ben c'est évident. Ce sont des miracles. Puis la problématique du miracle, c'est que l'humain refuse les miracles auxquels il n'est pas habitué et ne reconnaît pas les miracles auxquels il est habitué. Puis il y en a une certaine catégorie comme ceux-là, ceux que tu viens d'énumérer, qu'on vit, qu'on a une arme, puis tout ça. On ne se les explique pas nécessairement, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se les expliquer pour les accepter, les considérer non, comme étant... parce qu'on est confronté à les vivre sans arrêt, ça fait qu'on finit par plus les voir. Mais quand il arrive d'autres formes de miracles, des choses qui sont... d'autres formes qui nous apparaissent plus exceptionnelles parce qu'on ne les a pas observées souvent, comme tu disais tantôt, quelqu'un qui serre la main à quelqu'un d'autre puis qui guérit spontanément ou à l'intérieur de 2-3 jours, dans ceux-là, on les remarque. Puis oui, ceux-là, si on n'est pas capable de les expliquer, on est vraiment... Ben, si les individus seraient ouverts, donc auraient la foi, je t'ai expliqué que c'était l'ouverture à n'importe quoi, c'est l'ouverture tout court, si les individus seraient ouverts au phénomène du miracle, au processus du miracle, il y en aurait énormément plus. Une personne qui se trouve guérie subitement a crié au miracle. Le miracle, c'est pas la guérison, le miracle, c'est la santé. Alors, toutes les personnes sont en santé sans arrêt, eux autres n'ont rien à foutre des miracles. Ils croyaient pas à ça. C'est plein de bactéries, plein de virus, plein de cochonneries qui mangent, qui rentrent dans le corps physique, qui se passent, plein de stress, plein de pollution, plein de n'importe quoi, sont en santé. C'est ça le miracle. De prendre une personne qui est malade, la remettre en santé, c'est un miracle, je comprends, c'est compliqué de recréer la santé. Mais chez la personne chez qui la santé est toujours créée, non, on n'a rien à faire. Pourtant, il y a un miracle là. Je répète qu'il y aurait beaucoup plus de miracles qui permettraient la transformation de certaines circonstances de la vie chez les personnes s'ils seraient capables de, premièrement, de préparer leur ego à accepter des miracles, y compris. Parce que ce qui va arriver souvent, c'est que quand quelqu'un vit un miracle particulier, son ego vivant de médiocrisme le refuse. Hein? Vous ne méritez pas ça, un miracle. T'sais? Au niveau de la tête, certains vont dire, ben, Christy, moi, il me semble que... Ouais, au niveau de l'ego, non. Les égos ne veulent pas, les égos sont stressés. Il y a plusieurs personnes, à un moment donné, qui se disent « Ah, moi, rencontrer le pape, il n'y aura rien là. » Quand il venait à Montréal, le pape, ceux qui l'ont rencontré, transpirant, maudit, ils n'ont plus rien dit, plus rien faire. Alors, il y a plein de personnes qui, tant que l'événement n'arrive pas, sont bien courageux, bien prêts. Alors, moi, j'en connais plein de monde, on jase avec eux, là, le jour. On parle de fantômes. On parle de loups-garous. On parle d'entités qui possèdent la maison, des entités tapageuses. Aucun problème, eux autres, là. S'ils en verraient une, là, t'as aucun problème, hein. Parfait. Là, on visionne un film d'horreur. On va dire Exorciste, par exemple. C'est un exercice. On visualise le film. Et puis, il n'y a rien, vraiment rien d'autre. Comment c'est ça à 8h ou disons, à 20h, 22h ou encore 23h, 24h, minuit? Là, on discute de la même chose. Ils sentent plein de vibrations, un pourcentage d'eau, chaque fois qu'on parle de quelque chose. Il se passe quoi, là? C'est que l'ego a tellement peur qu'il expand le corps vital, puis le corps vital commence à percevoir des entités. Il y en a partout, les entités. Il y en a de jour, il y en a de nuit. Mais l'humain, il y a un processus astral qui fait que l'humain, que l'ego se sert plus des yeux. Quand les yeux commencent à pouvoir être inopérationnels, ils commencent à avoir peur en dedans. C'est pour ça qu'on a peur la nuit. Et à un moment donné, ben, là, on regarde le film Exorciste, là, puis après ça, ben, bonne nuit! Le premier séminaire que j'ai donné, j'étais très jeune, c'était dans un camp, en tout cas, c'était dans une auberge, là, ou d'une montagne, style vampire, là. Un grand champ avec des clôtures à moitié défaites. Après ça, il y a un grand mur de pierre qui est à moitié démoli, qui ouvre le terrain. Puis en haut, il y a une auberge. On avait réservé l'auberge pour complet. Puis là, moi, j'ai commencé, c'était un vendredi soir. Je leur ai expliqué qu'il y aurait bien peur pendant la fin de semaine. Et puis après ça, je leur ai souhaité bonne nuit. Chacun avait sa chambre. Puis moi, je l'ai couché ailleurs. Puis ma jeune fille était avec moi, puis elle me demande, oui, mais là, c'est lui, on va aller leur faire peur. Puis j'ai dit, non, c'est pas nécessaire, il s'en occupe tout seul. Ça connaît pas se coucher. Mais ils n'ont pas dormi de la nuit. Il y en a un qui éternuait, puis il y en avait 8 qui sautaient dans le champ, ça faisait du bruit, ça faisait peur aux autres. Ils ont eu peur. Quand je dis que souvent le mental est prêt, hein, on parle de miracles, et puis, rien là, moi, je suis prêt à en avoir, ah oui. Il y a des personnes, il y a un bonhomme, à un moment donné, qui s'est réveillé, il était dans un cercueil. Dans un pays où ce qu'on fait pas d'embaumement. Il était mort une crise de cœur, le vieux. Fait qu'il se réveille, il s'assoit, puis là, il voit plein de monde qui broyait, là, ça broyait plus. Puis là, il demande ce qui arrive. Fait que sa femme, elle dit, ben, c'était mort une crise de cœur. Puis là, ben là, on s'apprêtait à t'enterrer. Ben, il a fait une crise de cœur, il est mort. Puis c'est vrai. C'est dans la presse. Depuis quelle année? Mais le bonhomme, il aurait dû dire, mais non, il se fait une crise de cœur, puis il meurt. Il met tellement à peu près à accepter. Il voulait pas faire de miracle devant tout le monde. Mais c'est ça. Quelqu'un qui gagne à la loterie, la première chose qu'il dit, c'est quoi? Ça se peut pas. Pourquoi ça se peut pas? Parce que vous méritez pas ça. C'est ça que l'ego répond tout de suite. Ça se peut pas. Pas moi. Mais non, moi je suis bien trop. Pas moi. Moi, si quelqu'un dirait ça, je dis, t'as raison, pas toi. Moi, oui, pas de problème. Pas toi, je suis d'accord. Mais l'humain, bon, le processus du miracle, c'est la même chose. La personne a de la difficulté à accepter, premièrement, juste la vie, qui est un miracle. Hein? On l'oublie, on la perd. On s'en rend plus compte. On regarde la lune à un moment donné, tu dis des milliards de tonnes de blocs de pierre qui flottent en haut là-bas. Là. Ça prouve quoi? Ben, ça prouve qu'on est dans un amancheux d'illusions absolument intéressantes. On est sur une planète aussi. C'est pas droit, c'est rond, c'est vraiment une sphère. T'sais. On est une gang de cons sur une planète, là, perdue au fin fond d'un petit système solaire, oubliée dans l'aile droite de la galaxie, puis carrément oubliée au fin fond d'un univers local, puis totalement inconnu dans un super univers. On est là-dessus, là, puis on prend le temps de s'engueuler, c'est un feu rouge en bas, là, puis on prend le temps de s'engueuler entre nous autres, puis on a l'impression que, oh, il est donc par là. Il y a un grand bout qui manque à l'humain là-dedans. Okay. Moi, je vais prendre un avion, à un moment donné, je regarde en bas, je vois des petites villes, des petites maisons, là, puis là, je me dis, tiens, ici, là, c'est en train de s'engueuler. Ici, ils se battent. Là-bas, ils volent de banque 25$. Ici, tu sais, pauvre humain. Là, on est perdu sur une planète pour y avoir d'autres choses. Ouais. Tu sais, l'humain, ce qu'il se dit, c'est que si on serait deux années le désert, là, on n'est rien que 5 milliards sur une planète perdue. C'est la même affaire. On n'est pas. Puis pendant ce temps-là, c'est la folie furieuse. Je campais dans le bois dernièrement avec le groupe des chefs, puis c'est ce qu'on jasait. On se disait pendant qu'il y avait la guerre en Irak. C'est quand on est sur le bord d'un lac. C'est-tu beau, hein? Oui, c'est beau. Ouais, pendant ce temps-là, ailleurs, là, ils ont des paysages aussi beaux. Ils sont en train de lancer des bombes dedans. Vu que l'humain ne se rend pas compte de la totale impossibilité de sa présence en tant qu'animal animé dans un contexte planétaire, il considère que ça va de soi. Ça fait en sorte qu'il va oublier, à un moment donné, tout ce qui est relié au processus même du miracle. Donc, l'humain finit par se dissocier totalement de toutes ces caractéristiques fondamentales qui font de lui un être totalement divin. Puis quand je parle divin, c'est un être Dieu. En ce sens qu'il est déjà capable d'animer un corps de chair. Hein? Il prend un verre d'eau, là, puis il l'anime. Ça parle, c'est la même affaire, c'est des atomes. On est habitué de voir un corps de chair. Avec une bouche, on prend de l'air, puis après ça, avec un centre laryngé, des cordes vocales, on communique des choses qui ont de l'allure. Franchement, tu sais, il faut le faire. Bon, et l'humain est tellement habitué que l'humain finit par ne plus prendre conscience de la totale absurdité ou de l'impossibilité, finalement. L'humain perd que la conscience du mensonge cosmique, à travers lequel tout est une illusion, qui lui a manipulé stéréotypalement, donc archétypalement dans le passé, alors on en fait une tradition de vie, ce qui fait qu'on est habitué de vivre comme ça, puis on pense que c'est bien correct. Tu sais, la personne, elle se dit, c'est-tu génial, des lunettes, ils ont inventé des lunettes, ça me permet de voir. Oui, l'œil est bien plus génial que les lunettes, soit dit en passant. Mais on ne traite pas un œil. Hein? La mère vient de mettre un bébé au monde, tu sais, avec l'aide du père un petit peu. Puis là, d'autres, ce qu'on fait, c'est qu'on commence un petit peu. Non, un petit peu. C'est pas la grosseur du maillon qui est importante dans une chaîne, tu sais, c'est vraiment comme ça. Alors, mesdames, on va dire que... Bon, alors l'homme, n'est-ce pas, travaille en collaboration. En collaboration, OK. On parlera pas du... En collaboration. C'est hypocrite et diplomatique. Bon, en collaboration, et puis on sort le bébé de là, puis on t'approche un petit peu. Le bébé, il a un problème cardiaque. Fait que là, on fait une petite opération, on fait des petits cossins. Tout ça génial. Mais le bébé au complet, lui... C'est pas plus génial que juste la petite réparation cardiaque, ou juste la petite ventilation, ou juste la petite... Mais puis s'il vient au monde parfait, ça c'est pas... Non, ça c'est normal. Il n'y a aucun problème. Ça va par là. L'humain a oublié des choses, c'est que l'humain a oublié totalement que... Vous savez ce que, finalement, vous autres, là, ben vous pouvez pas. Ben, tu sais, l'humain, ça se peut pas. Fait que les autres, ils peuvent pas. Hein. Non, non plus. Ben, moi non plus, je me peux pas. C'est impossible qu'on soit là. Ça ne tient pas debout. La science, elle n'explique pas les choses, elle décrit les mécaniques. La science, elle décrit le processus de la germination, mais elle ne comprend pas la germination. La science, elle décrit le processus, bon, si on met, par exemple, de l'acide sulfurique dans un verre d'eau, ça peut exploser. Ça peut rouler. La science, elle décrit les choses. Puis là, il demande pourquoi. Ah, ben c'est à cause que, puis là, il va par l'autre, tu sais. Comme l'électricité, quand tu prends un bobinage de fil, tu rentres un aimant dedans, ça crée un champ électromagnétique, ça crée de l'électricité plutôt. Puis là, on va tout expliquer ça. Mais pourquoi quand je prends l'aimant, je le rentre dans un verre d'eau, ça crée pas la même chose? Ah, ben parce que, ouais, parce que quoi, hein? C'est aussi impossible. Nous, on découvre subitement que telle que la chaleur nous chauffe. Mais pourquoi la neige ne réchauffe pas autant? Ah, ben c'est à cause que... Non, on s'habitue à voir des choses, puis on les décrit, puis on considère que c'est ça. Puis c'est là qu'on se fait totalement avoir. Jusqu'à ce qu'on prouve l'inverse. Parce que... ben, à un moment donné, comme la fusion nucléaire à froid, ça se peut. Mais ça a jamais été... Tu sais, il y a des fous, à un moment donné, qui ont pensé que ça se pouvait, parce que les fusions nucléaires qu'on a faites jusqu'à date, c'était... c'est des bombes thermonucléaires, c'est des bombes à fusion. Tandis que celle d'Hiroshima, c'est une bombe à fission. Alors, il y a des choses comme ça que l'humain va finir par comprendre, et que pour que l'humain parvienne à se servir totalement du processus du miracle, chaque personne doit reconnaître au départ qu'elles sont elles-mêmes une résultante d'un phénomène miraculeux. Puis je ne parle pas miraculeux dans le sens « Ah, Dieu m'a créé, c'est un miracle, ah, merci Dieu ». Mais non, franchement, tu sais, tant qu'elle m'a créé, il aurait pu me chausser une planète qui avait de la lune. Qui allait plus te faire avec mes cheveux. Ouais, c'est ça, justement. C'est ça, la réalité que les personnes comme ça ici, c'est... Moi, c'est une des rares choses que j'ai pas. Tu t'en as encore. On continue, là, on parle pas de ça. Mais les cheveux, on pourrait en parler à un moment donné. Ça branche sur l'astral. Qu'est-ce que vous, ça c'est bon chemin. Toi aussi. Mais moi, je pensais que Dieu allait me sauver un jour et qu'il allait me prendre par la couette. Mais... oui, c'est ça, mais. Toi, t'es pas sorti de l'auberge. Si tu commences à faire mal, tu vas sauver par Dieu par la couette de même. Si tu commences à l'air de traîner jusqu'en haut, là, lui, là. Non. T'es mieux d'avoir des bons choux pour avoir cuir chevelu et massé comme il faut parce que tu vois, quand tu arrives en haut avec un amanchure, de... ça va être décollé, ça là. Les poings vont partir en premier. Les oreilles vont être rendues là, tu sais. En tout cas. Ça ne se peut pas qu'on soit là! Chaque petite cellule sait ce qu'elle a à faire. C'est totalement ridicule. Tu sais, t'as un spermatozoïde qui se promène, là, à un moment donné, il y a une gang, ils se font la guerre, tu sais, puis le plus fort arrive au bout. Ça, c'est loin, tu sais. C'est les premiers problèmes que l'humain vit avec la femme, tu sais. Fait qu'il n'a loin à faire pour rejoindre l'ovule. Fait pour ça fait quoi? Ça frappe l'ovule, puis l'ovule se divise, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, il y a une partie de l'ovule qui devient un œil, un nez, un nombril, un orteil, un ongle, un intestin, un foie. Un cœur. Comment ils savent ça? Ah, ben c'est la nature. C'est ça. On peut en mettre des affaires, tu sais. C'est Dieu, c'est l'univers, c'est l'infini, puis l'infini, c'est Dieu, puis Dieu, c'est l'univers, puis c'est au bout, puis c'est merveilleux, tu sais. Puis ça explique absolument rien, mais c'est merveilleux. L'humain finit par rentrer dans un processus totalement circulaire où il finit par tout accepter. C'est parce qu'on veut arrêter de se poser des questions à un moment donné qu'on. Bon, c'est parce que non, c'est pour ça. C'est parce qu'à l'époque, on n'était pas bâti pour se poser des questions. Ça ne servait à rien. On aurait eu une question, mais on n'aurait jamais pu toucher de réponse. Ça ne valait pas même la peine de poser des questions. À un moment donné, ben, l'humain a commencé à poser des questions parce que l'humain était capable de comprendre les réponses. Sauf que quand l'humain arrive à être snob dans son évolution, il se pose des questions, puis il peut comprendre les réponses. Sauf qu'il se frustre de ne pas avoir la réponse tout de suite, puis à un moment donné, il brûle tellement d'énergie dans la frustration, ou dans la frustration, ce qui va faire en sorte qu'il va soit plus être capable de rien comprendre, ou il va s'inventer des réponses, parce qu'il y a besoin d'avoir les réponses, quelles que soient les réponses. Le processus du miracle, la structure opérationnelle du miracle, c'est quoi? C'est qu'il y a un paquet de choses qui n'ont aucun sens, et qui n'auront de sens que si l'être humain gère ces choses-là. Alors, le corps physique, vous savez, on est dans un corps pluricellulaire, hein, c'est un paquet de cellules. Et si nous sommes magnifiquement présents, c'est-à-dire que si le mental contrôle le physique, bien nécessairement, si l'humain gère le corps physique sera nécessairement toujours adapté à ce qui habite le corps, à ce que l'humain a besoin. C'est un processus même du miracle. Une personne qui a besoin d'être malade, elle va avoir un corps physique malade. Une personne qui a besoin d'être en santé, elle aura un corps physique en santé. Comment on a besoin d'être malade? On peut-tu avoir besoin d'être malade? La majorité du monde a besoin d'être malade parce que les hôpitaux sont pleins. On a besoin pour quoi? Pour qui? Pour l'ego? Pour la révolution? Pour se rappeler. Pour se rappeler. Pour se réveiller, pour se réchauffer. Pour se centrer, pour se connecter, pour renaître. C'est que l'humain est totalement obscurci. L'être humain, présentement, vit dans un corps de chair, puis il va passer, par exemple, 25 ans de sa vie à essayer de le faire maigrir. Alors que génétiquement, ben, il y a des cellules atypeuses, il y en a plein, puis ça ramasse, puis il n'y a rien à faire. T'sais. Il maigrit, puis ça ne va rien changer. La majorité des personnes qui vont maigrir, changeant pas leur façon de vivre, ben, ils maigrissent. Puis comme ils mangeaient comme ça avant, ils ont engraissé de même, ils ont engraissé, puis ça se promène comme ça. C'est un gros cœur, c'est ça. Les personnes ont besoin d'apprendre des choses. Et qu'est-ce qu'ils ont besoin d'apprendre? Ils ont besoin, Fanny, ils ont besoin d'apprendre que le corps de chair est un outil qui doit servir, mais qui ne doit pas asservir l'humain. Ils ont besoin d'apprendre que la matière sont des outils qui doivent servir, mais qui ne doivent pas asservir l'humain. Ils ont besoin d'apprendre un paquet de choses. Ils ont besoin d'apprendre simplement que tout ce qui les entoure au complet, des cellules aller jusqu'au soleil ou au fin fond de ce qu'ils peuvent percevoir dans leur conscience, tout ça est uniquement là. Premièrement, que tout ça fait partie même de l'être humain est absolu, et que toutes ces choses-là sont là uniquement pour servir l'humain. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'une partie de ma conscience, quand j'ai subi mon effusion, une partie de ma conscience s'est ramassée dans un verre d'eau. Une partie de ma conscience s'est ramassée dans un personnage là-bas. Une partie de ma conscience s'est ramassée dans l'air. Une partie de ma conscience s'est ramassée dans la terre. Et puis, une partie de ma conscience s'est ramassée chez moi. Tu sais, c'est pas trop pire. Puis là, ce qu'il faut que je fasse, moi, ben, je me promène en pleine nature subitement, puis là, je commence à découvrir des choses dans la nature. Je commence à aimer la nature. C'est moi que j'aime. Je commence à aimer les feuilles. Je commence à faire attention à où je marche. Je commence à vivre d'une façon écologique, donc d'une façon consciente. Pas parce que je l'ai appris. Pas parce que j'ai été éduqué comme ça. Parce que je deviens conscient de la structure planétaire. Donc, progressivement, je finis par avoir une conscience planétaire. Je ne serai plus raciste, parce que je me rends compte que dans le noir, là-bas, il y a une partie de moi-même qui est dedans, au niveau de l'effusion. Bibliquement, on parle de la chute de l'homme, mais c'est pas une chute, c'est une effusion. Et à travers cela, ben, progressivement, je découvre, j'apprends des choses. Pour apprendre ces choses-là, je dois finir par être obligé, étant donné que je n'ai pas suffisamment de conscience, je dois être obligé d'arriver à l'écœurement de l'écœurement à travers un mensonge. Je suis un mensonge, donc à travers l'illusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me sers, par exemple, des religions, et puis, à un moment donné, ben la religion ne sera plus utile. Et là, je vais faire confiance, je vais me remettre dans la religion, puis je vais me casser la gueule. Alors, je finis par remettre en question ma religion, puis là, je me lance dans la science, dans le cartésianisme. Puis là, avec la science, ben là, je suis convaincu que la science, elle va me permettre de tout faire. Puis là, je me rends compte qu'il y a une centrale qui explose une place, puis qu'il y a une affaire là-bas, puis que finalement, la science, c'est pas ça non plus. Et à travers ces mécaniques-là, ben, je vais peut-être prendre de l'embonpoint, ou je vais être malade. Là, je pensais, moi, que je ne serais jamais malade, puis maintenant, je suis malade. Ça fait que là, je me dis, écoute, il y a une affaire, il ne va pas. Puis c'est là que l'humain se réchauffe, et l'humain finit par se dire, j'en ai ras-le-bol, je suis écœuré. J'ai passé ma vie à travailler, j'ai eu des enfants qui m'ont envoyé promener en adolescent, à un moment donné, ils sont partis. J'ai eu une femme, un mari, peut-être deux, peut-être trois. J'ai été malade, j'ai eu un emploi, puis rendu à 65 ans, ben là, on décide qu'écoute, roll-ball, dites-vous à la face, là, là. Fait qu'on me met dehors. On a une retraite, tu sais, on appelle ça l'âge d'or, parce que c'est l'âge d'or, et c'est vrai. Et puis, à un moment donné, ben là, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai le dos tout croche, puis on me dit, c'est normal, c'est, vous avez une typhose, ça fait partie des processus normaux du vieillissement. C'est pourquoi on vieillit? Pourquoi on est capable de partir de très bas, de rester jeune, de grandir, hein, de fleurir en étant jeune? À un moment donné, on arrive à un apogée intéressant. Vers l'âge de 40-45 ans, l'homme atteint une maturité qui était très intéressante, mais normalement, l'ego, lui, commence à se dire, écoute, fini, là. Fait que la maturité ne sert pas longtemps parce que l'ego commence à t'orchestrer. L'humain commence à avoir peur de la vieillesse. Nécessairement, il aura peur de la pauvreté. C'est pour ça que les gens ils passent leur vie à préparer leur richesse pour quand ils vont être vieux, parce qu'ils ont peur d'être pauvres, vieux. Savez, c'est un pauvre vieux, une pauvre vieille. Et l'humain, bien, il vit comment là-dedans? Il faut qu'on arrive à vivre différemment. Il faut qu'on se serve des outils. Et l'humain ne se sert pas des outils. La structure opérationnelle du miracle, c'est d'être capable de gérer des mécaniques qui n'ont aucun rapport entre eux du point de vue de la théosophie ou du point de vue de la science. Bon, si l'humain est capable de gérer des mécaniques qui n'ont apparemment aucun rapport comme ça, l'humain fait partie maintenant des processus même du miracle. Donc, l'humain, pour le faire, évidemment, il faut qu'il comprenne la structure opérationnelle du miracle. Gérer des deux phénomènes qui ont aucun rapport entre eux. Ouais, tu peux-tu me donner un exemple? Ben oui. Ton automobile ne démarre pas. Alors, tu rentres, tu vas aux toilettes, puis quand tu ressors, tu arrêtes, ça démarre. C'est un processus de miracle. Il est où le miracle? Mais t'as débloqué des conduites. c'est le processus du miracle. Ça va être l'effet papillon. J'en ai déjà parlé de l'effet papillon. Oui. Ah, vous étiez pas là? C'est l'explication qui sauve les météorologues. Alors, il prévoit du beau temps, tu sais, sauf si un papillon qui décolle quand c'est pas le temps, ben il y a des chances qu'il y ait des perturbations qui se fassent. À un moment donné, les nuages arrivent, puis il se met à pleuvoir, tu sais, il se met à grêler. C'est l'effet papillon. Et ça veut simplement dire que la moindre petite chose dans le contexte atmosphérique planétaire fait que c'est ce qui perturbe toutes les prédictions météorologiques. Mais c'est un peu la même chose, ça a rapport au processus du miracle. C'est qu'il y a des relations entre toutes les choses. Sauf que parce que l'humain n'a pas la cérébralité suffisamment développée, pas le cerveau suffisamment complexe pour parvenir à voir toutes les mécaniques qui relient les choses, il pense qu'il n'y a pas de relation. Parce qu'en réalité, est-ce qu'on n'en fait pas partie de toutes ces choses-là? Parce que comme tu disais tantôt, quand tu vois l'arbre ou le noir, tu dis, c'est une partie de moi, il y a une partie de moi dans le terre, il y a une partie de moi dans le verre d'eau. Ben oui. Donc, il y a une partie de nous autres dans l'auto, dans la TV, dans le système de son, dans notre environnement, finalement, immédiat. Mais pour lui-même, évidemment, il va se dire, écoute, tu sais, moi, je me suis acheté une automobile dernièrement. Alors, je voulais vendre mon autre automobile. Et puis là, je me suis rendu compte, j'ai été au magasin avec elle, et puis je me suis rendu compte en revenant qu'elle pleurait. Et il y avait de l'eau qui coulait en dessous de l'auto. Je pensais que c'était de l'huile. Ils vont t'engager pour faire une annonce. Mais oui. Ah oui, la maison. Alors, je suis parti avec elle, et puis... Puis là, je l'ai restationné. Puis là, je me suis dit, crime, tu sais, je veux la vendre, elle va tomber en morceaux, tu sais. C'est ce qui arrive, hein, parce que là, elle m'a servi fidèlement. Puis là, maintenant, je m'en débarrasse, elle va tomber en morceaux. Vous avez déjà vu maman bagnole, certains, là? Bon, là, c'était mon oncle bagnole. Et puis, finalement, je voyais bien qu'elle. J'essaie de comprendre. Là, mon automobile pleurait. Et je la comprends, imaginez, c'est avoir un conducteur comme moi. Bien sûr! Elle veut pas que je la vende. Je l'ai pris une fois, puis elle voulait plus que je débarque. il l'a pris une fois, puis il y a un des phares réescamotables qui ne fonctionnait plus. Il ne peut plus sortir, la porte, elle voulait plus s'ouvrir. Elle m'aimait tellement, elle voulait pas que je débarque. Elle était gâtée. Mais effectivement. Et puis après ça, je l'ai repris, puis c'était correct. Mais, alors là, j'ai parlé, puis je lui ai dit, écoute, je te demanderai pas. j'ai pas besoin de te vendre. Donne-moi mon chum. Je lui ai expliqué que je l'aimais bien, puis en tout cas, si je la vendais, l'autre, il payerait le prix. Ce qui fait que s'il n'est pas payé le prix, ça veut dire qu'il va s'occuper de toi comme il faut. Parce que c'est quelqu'un qui va te vouloir. C'est pas quelqu'un qui va vouloir te respecter toi, tu sais, je vais vendre un peu plus là. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'elle coule plus. Fait que si j'explique ça à mon psychiatre, évidemment, il me donne... T'sais, mon mécanicien aussi, là, il ne comprendrait pas. Mais elle coule plus. J'ai un ami médecin qui me racontait qu'il travaillait dans des salles d'urgence les fins de semaine et puis qu'il ramassait les problèmes des autres. Puis pendant tout le temps qu'il a travaillé là, il ramassait psychologiquement les problèmes de ses patients. Il y avait des problèmes avec ses essuie-glaces de toutes ses voitures. Il a changé de voiture deux, trois fois pendant qu'il y a eu le même temps. Oui, parce que le médecin ne veut pas voir en avant. Enfin, il voulait pas. Il pleurait tout le temps, puis il pleurait pas nécessairement physiquement, là, mais en dedans, où il filait mal par rapport aux problèmes des autres. Puis quand il a changé d'emploi, avec la même voiture, ça a arrêté. Le problème a arrêté. C'est évident. Il me racontait ça, lui, il n'était pas psychiatre. C'est un médecin normal. Il était-tu sous l'effet de narcotiques quand il t'a conté ça? Non, je pense pas. OK. Non, des fois, pour arriver à supporter ce qu'on vit. Le processus du miracle, c'est exactement ça. Ce qui arrive simplement, c'est qu'il y a premièrement une chose, c'est que l'être humain, qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que nos vies? Est-ce que c'est des événements, des situations particulières qui sont là uniquement pour nous permettre de devenir des chioleux? La vie, c'est quoi? Est-ce que la vie... le but de la vie, c'est quoi? Être heureux, puis mourir. Ça valait pas même la peine. Être riche, puis mourir. Léguer ça à ceux qui... aux dépenseurs. On lègue ça à ceux qui vont dépenser. C'est quoi le but de la vie? Pour plusieurs personnes, le but dans la vie, c'est de réussir. Réussir, c'est quoi? C'est réussir, ça veut dire rendre les voisins jaloux puis faire plaisir à tes parents. T'sais? C'est avoir l'impression sociale que quand tu vas mourir, là, on n'aura pas trop de choses à dire contre toi. Mais finalement, la personne qui est sur le lit de mort, là, est-ce qu'elle peut se dire ma vie a été utile? À quoi ça a servi? Donc, il faut que la personne commence par comprendre qu'elle n'est pas sur la planète Terre, que la vie, même si elle ne comprend pas toute la mécanique ou toute la cosmologie qui entoure sa présence sur le plan planétaire, il faut que la personne, minimum, comprenne qu'il y a d'autres choses que juste un passager comme ça sur un véhicule spatial. La personne qui comprend un petit peu ça va nécessairement être capable de plus accepter le fait que c'est déjà miraculeux qu'elle soit là. T'sais, pourquoi l'être humain est important? Pourquoi les animaux sont importants? Pourquoi les plantes, c'est important? Pourquoi la planète, c'est important? C'est des mécaniques qui ne se peuvent pas. Il y a de nous autres là-dedans. Puis même si on ne sait pas encore, pour la majorité ne savent pas qu'est-ce que c'est que nous autres, là, il y a un phénomène extrêmement intéressant à découvrir et à laisser s'exprimer. La personne, le processus du miracle, on doit comprendre que parce que l'humain n'a pas de conscience, toute la structure laissée par l'intelligence, par l'humain, pendant son effusion, est une structure qui va faire en sorte que l'humain va vivre d'une façon sinusoïdale, c'est-à-dire que ça va bien mal, ça va bien, ça va bien mal, ça va bien toute sa vie. Fait que ça en va comme ça, puis chemine, puis c'est très intéressant. Bon, t'as plein d'argent, tu n'as plus, t'en as, tu n'as plus de... Tu sais, on s'en va comme ça. Est-ce qu'on peut s'en servir des indices comme ça ne sert qu'à ça. L'humain, bon, c'est évident que inconsciemment, ça fait longtemps que les grands philosophes disent que tout ce qui vous arrive, c'est parce que vous le retirez. Mais où c'est pas clair? C'est que le vous attirez volontairement, ou si vous êtes le foyer d'attraction des événements. C'est une nuance. Bon, tout ce qui t'arrive, tu l'as tiré. Tu dis, ben merde, je voulais pas faire ça. Ah, tu l'as tiré. C'est pas comme ça. C'est parce que l'humain qui parle comme ça pense qu'il y a un libre arbitre. Fait que le psychologue, maintenant le philosophe qui vous dirait, ah, c'est parce que c'est vous autres qui avez attiré ça, vous l'avez voulu. On l'a tiré comme un aimant. Oui, tu l'as tiré comme un aimant, mais t'as pas de libre arbitre. Mais on n'a pas choisi de faire un autre. Non, donc tu ne peux pas te sentir coupable, tu peux pas rien faire là-dedans. Alors, c'est évident que si on part avec l'idée que vous attirez tout ce qui vous arrive, c'est frustrant. Parce que la personne, elle se dit, écoute, je l'attire. Ah, l'inconscient, le subconscient, c'est puissant, ça attire toute pleine cochonnerie. Pourquoi ça attire pas les bonnes choses? Parce que les égos sont bâtis d'une façon particulière et les égos souffrent tous de médiocratie. Hein? Ils sont dirigés par la médiocratie. C'est le règne de la conscience médiocre au niveau de l'ego. Donc, nécessairement, les égos ne travaillent pas pour que ça réussisse, à part les gardiens des pouvoirs temporels ou des pouvoirs financiers et des autres. Alors, ce qui arrive, c'est que l'humain doit comprendre, premièrement, que tout ce qui entoure son schéma de vie, son plan de vie, est attiré par sa présence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous m'avez attiré ici ce soir, puis que je vous ai attiré ici ce soir, puis que chaque personne s'est attirée ici ce soir. Alors, on s'attire nos bonheurs, on s'attire nos problèmes, on s'attire tout ça, sauf qu'on ne l'attire pas d'une façon volontaire, d'une façon consciente. La seule façon de parvenir à un moment donné à avoir une liberté dans sa conscience, c'est pas un libre arbitre dans la matière, mais c'est une liberté dans sa conscience, c'est de se conscientiser, c'est de s'en égoïser. L'humain qui se conscientise, l'humain qui s'en égoïse, nécessairement, à un moment donné, il va être capable de comprendre le processus qui gère les structures évolutionnaires planétaires. Comprenant les structures, comprenant les mécaniques, bien, à un moment donné, nécessairement, son ego va commencer à être manipulé de façon à déjouer les mécaniques d'évolution pour commencer à s'engrener dans un rouage de conscientisation. J'ai déjà expliqué qu'à travers l'ère de l'ère du lion à l'ère de la fin de l'ère du poisson, l'ère actuelle, l'humain évolue par évolue. L'humain, c'était issu d'une structure évolutionnaire. L'évolution, c'est quoi? L'évolution, c'est une révolution à faible niveau, au niveau d'une conscience. L'évolution, c'est de l'essai-erreur, c'est de l'apprentissage. On apprend, on comprend pas. Bon, on finit par être allergique à des problèmes, ce qui fait qu'on se dit, ben écoute, la peur, c'est la mère de la prudence. Hein? Non, moi, j'ai pas peur, puis j'ai pas besoin d'avoir peur pour être prudent. T'sais? J'ai pas besoin, parce que je suis conscient. Tant que l'humain n'est pas conscient, l'humain a besoin d'évolution. L'évolution, c'est tu apprends. Quand l'humain arrive à un certain niveau de l'évolution, il approche de l'écœurement, puis quand l'humain éclate là-dedans, sa conscience commence à s'épanouir, et là, l'humain, progressivement, va cesser d'évoluer, et progressivement, va commencer sa conscientisation. La conscientisation fait quoi? La conscientisation rend l'homme libre d'être lui-même. L'homme devient son seul maître. En ce sens que l'être humain qui se conscientise n'a pas besoin d'un livre, n'a pas besoin d'une personne pour lui dire des choses, et il le conscientise lui-même, donc il le sait spontanément. C'est le premier contact avec ce que l'antique religion appelle l'Esprit Saint, c'est l'intelligence supramentale. Quand l'humain arrive à être capable de vivre un petit peu sur cette mécanique-là, donc être capable d'accepter de savoir des choses, même s'il ne l'a pas appris, puis d'accepter que ce qu'il savait était bon pour un temps donné, mais ça peut être faux demain matin, puis sans se dire, ah ben je me suis trompé hier, tu t'es pas trompé hier. Ce que tu as su, c'était parfait pour te permettre de monter là. Parce que le savoir n'est pas là pour que tu puisses montrer aux autres que tu sais. Le savoir est là uniquement pour te donner de l'énergie de façon à ce que tu poursuives ton cheminement de conscientisation. Il n'y a, pas de connaissance absolue, il n'y a pas de savoir absolu. Ça nous fait faire les embranchements, ça nous fait bifurquer au bon moment, au bon endroit, puis après ça, c'est plus utile qu'on tourne encore quand on a changé de chemin. Ah oui, avant, on pensait que la Terre était plate. Maintenant, on sait qu'elle est plate, tu sais. Bon, mais c'est ça, tu sais. Les choses ont changé un petit peu. Le processus du miracle, la personne, à un moment donné, qui commence à gérer ça, doit comprendre qu'elle ne vit, que toute sa structure de vie est un système de barométrie. C'est un système qui permet à l'humain de connaître sa hauteur énergétique, la pression d'énergie chez elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui nous entoure au complet, c'est un baromètre. Puis on doit, j'ai déjà expliqué qu'on devait s'en servir au niveau du processus même de la finalisation de l'évolution et du processus de la conscientisation. Quand on parle d'être nouveau, on parle d'air nouvelle, c'est les êtres qui se conscientisent, qui font partie de la race nouvelle. Et c'est pas une race cutanée, évidemment, c'est une race neuronique, puis endocrinienne. Mais les êtres qui évoluent font toujours partie des vieilles races, des vieilles souches. Ce que l'humain doit comprendre, donc, c'est que tout ce qui vous arrive au niveau de votre vie, c'est un baromètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que présentement, vous avez chaud, là, il y a de quoi apprendre là-dedans. Bon, la personne va se dire, ben c'est parce qu'il rénove l'hôtel, tu sais, puis ils nous ont encore poussé ici. Oui, mais non. Il y a des choses à comprendre. Alors, j'ai vu plein de sorcières. Hein, ça sort, c'est Il y a un congrès d'astrologie, là, ça ressemble à. J'ai vu un film avec les congrès de sorcières. Là. Il y a le carte du ciel dans l'ascenseur, puis il cherchait où ça allait. Ça va en train de faire une carte du ciel. c'était comique, c'était amusant. Oui, mais on sait toujours ce qu'on n'a pas besoin de savoir, hein, c'est qu'on fait partie de l'évolution. Même les psychiatres, ils vont aider des gens, après ça, eux autres, s'ils avaient su. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui nous entoure fait partie d'un processus de barométrie, et on doit apprendre à décoder ces choses-là. Mais ce que je veux dire par décoder, dernièrement, on a fait une conférence sur la numérosophie. Hein? Savez-vous ce que c'est qu'une mancie? De prime abord, là, c'est une menterie. Bon, une mancie, c'est une menterie. Alors, on a la cartomancie. La lecture des menteries va travailler avec les cartes. On a la chiromancie. Okay. On a la cristallomancie, avec les boules de cristal. Bon. On a la théomancie. Mais la thémancie. À côté, on a plein. La géomancie, avec le sol, les osselets, etc. Bon. Ça nous permet de connaître des choses. On peut connaître ce qui se passe chez soi. On peut connaître l'avenir. On peut connaître le passé. On peut connaître plein de choses. On peut se faire de l'automancie, puis de la radio mancie, de la TV mancie. Oui, c'est ça. La voiture mancie, etc. C'est exactement ce qu'on doit faire. On doit faire de la vie mancie. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller voir quelqu'un qui prend des cartes, moi, j'ai déjà tiré aux cartes. J'étais pas riche à l'époque, puis j'avais besoin d'argent, fait que je ramassais des vidanges, des affaires que les gens achetaient, puis j'allais au marché aux puces, puis j'allais vendre le vidange. Puis à un moment donné, ça vendait pas. Parce que c'était un petit village, puis finalement, ben, le monde, il voyait le vidange là, puis il rachetait pas. Il a fallu que j'aille au marché aux puces ailleurs. Je savais pas comment le principe, en tout cas, bon. C'est comme ça qu'on évolue, on fait une vidange. Exactement, c'est ça. Alors, j'avais un jeu de cartes de tarot sur moi, fait que j'ai mis une petite guenille sur une boîte de carton, puis là, j'ai commencé à tirer aux cartes. Puis, ce qu'on a à comprendre, c'est que quand on sort les cartes ne nous disent absolument rien. Les personnes qui s'assujettissent à lire un livre sur les tarots, sur la cartomancie, par exemple, s'assujettissent à être mal pris. Alors, moi, ce que je faisais, c'est que je sors une carte, je sors des cartes. Là, on sort des cartes, puis on sort un paquet. Bon, là, je dis ça, c'est ce qui vous arrive, c'est ce qui vous arrivera pas, c'est les apports extérieurs, c'est ce que vous allez en faire, c'est le résultat final. Puis quand le résultat ne me plaît pas, ben là, on va tirer une autre carte. Tu sais, on fait professionnel. Et puis, à un moment donné, ben là, je regarde une carte, puis je regarde la face de la personne, puis je me dis, vous, là, présentement, là, vous avez, puis là, je commence. Il y a une personne qui vient me voir, elle me dit, moi, là, je vous donne 10$, là, puis... je dis rien. Bon, je dis aucun problème. Vous que je vous tire votre passé. Je dis rien. Pas de problème. Là, j'ai tiré son passé. Son avenir, il ne me croira pas. Son passé, là, ici, je peux le déshabiller comme il faut. Il m'a ramené du monde après. Il m'a ramené des clients, lui. C'est un qui ne croyait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On se sert de la matière. On se sert de nous autres. Puis on se laisse aller. On se laisse interpréter les mécaniques. On ne pose jamais de questions à personne. C'est la première structure opérationnelle du miracle pour arriver à s'en servir, c'est de comprendre ça. Alors, à un moment donné, vous avez un problème au foie. Allez pas demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il pense, ça veut dire. Parce que lui, il va vous donner ce que ça dirait chez lui si lui aurait un problème au foie. Puis comme on est très collectif, ça peut arriver que ça va marcher. Il faut se faire voir comme il faut. Alors, vous avez un problème au foie. Ça veut dire quoi? Trouvez-le. Non, mais je connais rien là-dedans. Une chance que vous connaissez rien là-dedans. Si vous connaîtriez des choses là-dedans, ben vous vous interpréteriez votre problème de foi en fonction de celui qui a écrit les choses. On ne l'aurait pas. Ça veut dire quoi, c'est extrêmement simple? Vous avez un accident, votre automobile ne démarre plus. Sa direction ne fonctionne plus. Mais n'importe quoi. Vous avez tiré votre bonne nylon. D'ailleurs, à chaque fois que vous achetez une paire de neufs, vous l'avez... Achetez-en des usagers, vous allez voir, vous les étirez plus. Ben, c'est vrai. La personne ne s'autorise pas à avoir des affaires de l'eau. Bon. N'importe quoi. N'importe quoi. Toute la vie. Tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un en bas qui voulait fumer. Pas de cendrier. Fait qu'il va chercher un cendrier, la mettre. Bon. Pas de feu. Pas d'allumette, pas de briquet. Il repart à la chasse au briquet. Finalement, il trouve. Fait que là, il revient, il allume sa cigarette, mais il l'a emprunté. Fait que là, il faut qu'il retourne le porter. Là, il se promène. Ça fait partie, ça, du processus même de l'électron. Il est manipulé par tout ce qui se passe autour. C'est le bonhomme, il doit s'en aller, il revient, il se promène dans le même, pour ramasser un peu de fumée. Mais tout ça au complet, c'est à décoder. Pourquoi, subitement, il a besoin de fumer là? Pourquoi il n'y a pas d'allumette? Pourquoi il faut qu'il cherche un cendrier? Pourquoi il faut qu'il ne pense pas à mettre sa cigarette quand il va chercher? En tout cas, tu sais. Puis là, je dis pas qu'à un moment donné, là, on vit plus, on s'assoit, puis là, je me suis accoté comme ça. Pourquoi je suis accoté comme ça? Ah, pourquoi je me suis posé la question? Ah, pourquoi je me pose la question? Il y a un micro, là. C'est l'humain, l'humain, il faut pas qu'il vienne... Bon. On est déjà assez... On est déjà... Radio au 7e, on est déjà assez proche. On l'a pas dit, là. Regarde, on est 7e, là, puis faire la conférence, comment est dangereux? Je sais, je sais. On peut s'en poser un peu, mais... J'ai été au 11e, mais... On était pire dans ce temps-là aussi. Ouais, c'est ça. C'était bien pire. Et puis... Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit simplement regarder. J'ai un problème au foie. On m'a dit j'ai un problème au foie. Hein? On a tous un problème au foie. Bon, tous un problème au foie. Il arrive quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que je mange trop de sel. C'est parce que je bois trop d'alcool. Non. Il y en a qui boivent de l'alcool et ils n'ont pas de problème au foie. Il y en a qui mangent plein de sel et ils font de l'hypotension. Il y en a qui n'en mangent pas et ils font de l'hypertension. Alors, c'est pas ça l'idée. Parce qu'on est collectivement assujetti à des plans de vie qui sont similaires, ben c'est possible que le chlorure de sodium fasse monter la tension chez certains, que ce soit le potassium chez d'autres, que ce soit d'autres choses. Alors la personne, on a tous mal au foie, fait qu'est-ce qu'on se dit? Ben là on commence à regarder, ben j'ai mal au foie, le foie. Peut-être parce que je manque de foie. Mais j'ai mon foie est trop gros, donc j'ai peut-être trop de foie. Mais j'ai pas de foie du tout, donc c'est pas ça. Chaque personne commence à se travailler pour interpréter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez vous laisser manipuler totalement par les structures astrales reliées avec un support de mancie qui ne sera pas des tarots, qui va être votre foi. Est-ce qu'on fait ça par écrit, en parlant? Tu ne peux pas parler ça à n'importe qui, là. Non. Faut pas voir ton médecin et dire j'ai un problème de foi religieuse, mais lui-ci, il ne file pas. Non, ce qu'il faut que tu fasses, c'est mais que... Mais comment? On se l'exprime bon, tu peux l'écrire. Dans ta tête, c'est compliqué. C'est mieux de le parler ou de l'écrire. Parce que quand on le pense, c'est la pensée. On se fait ramasser. Si on le parle ou si on l'écrit, on va être plus facilement capable d'ajuster notre parole, donc notre mancie, et d'ajuster par soit l'écriture, donc la même chose. Donc, on doit le parler ou on doit l'écrire. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que la personne, elle doit observer. Puis pas juger tout ce qu'elle dit. Ah, ben non, c'est une niaiseuse. C'est pas ça. Ce qui va arriver, ce que je vous dis moi, c'est que votre foi, là, il est relié à rien. Mais si vous vous servez de votre foi, du problème au foi, pour découvrir quelque chose chez vous, bien, il y a une relation qui va s'établir entre le foi et ce que vous venez de découvrir. Ce qui fait qu'on n'a rien à foutre de savoir si on a raison ou si on a tort. On aura nécessairement raison, mais uniquement pour notre cas. Et là, à un moment donné, on dit, ah, c'était à cause que ceci. Bon, parce que je suis trop agressif. Et vous décodez que c'est parce que vous êtes trop agressif. Fait que là, vous allez vous dire, bon, ben, je vais essayer d'être moins agressif. Là, vous allez relaxer. Là, à un moment donné, vous êtes agressif, là, vous allez y penser. Là, vous êtes un peu moins agressif. Et puis, progressivement, le foie va commencer à se guérir tout seul. C'est un miracle. C'est important. La personne va dire, bon, j'ai un problème de foie, c'est peut-être parce que je parle pas assez à ma mère. Elle fait une relation. Mais automatiquement, le foie est relié à la parole avec la mère. La personne va commencer à appeler sa mère, son foie va commencer à se guérir tout de suite. C'est niaiseux comme ça, c'est ça la structure opérationnelle du miracle. Très facile. Sauf que les personnes fonctionnent toujours avec l'idée que ça n'a pas d'allure. Vous n'avez pas d'allure non plus. Vous ne pouvez pas exister. Bon, vous ne pouvez pas exister. On existe. puis les plantes, ça pousse, puis le chat, il miaule, puis il grignote. Puis, Est-ce que c'est relié, là, tu le relies au plan physique avec le foie, mais est-ce que ça peut aussi être relié à notre vie, de notre situation de couple, ou de notre vie financière, notre vie affective, notre vie... Tout au complet, tout ce qui te regarde, tout ce qui t'entoure autour de toi, corporel et extérieur, fait partie d'un système de barométrie. Puis pour que l'humain puisse arriver à régler ça par la structure opérationnelle du miracle, l'humain doit établir des relations entre sa structure évolutionnaire ou conscientisante et des mécaniques. Ça veut dire que l'humain doit se dire, mon automobile, par exemple, mon cerveau de direction ne fonctionne plus. Par exemple. Un exemple, OK? C'est une personne qui vit ça, évidemment. Non. Bon. Alors, parce que là, il a assez stationné, puis il a pris bien du temps. Bon. Tout vite, tasser l'auto. C'est facile que j'en ai le volant. Ça veut dire quoi? La personne est là, puis elle se dit, bon, j'ai plus de cerveau direction. Plus de cerveau direction. On décortique les poils, laisse faire. Non, je l'ai trouvé, c'est correct. Puis automatiquement, ça veut dire que le personnage, présentement, travaille énormément avec lui-même pour essayer de se diriger. À d'allure. Mais pas par le cerveau. Non. Et bon. Alors, la personne vient de décoder ça. Fait que là, on va commencer à penser. La question, ça serait, oui, mais là, si j'arrive à trouver, là, puis c'est pas parce que vous le trouvez que ça se guérit. On doit changer les choses et l'autre va commencer à se guérir. C'est plus facile de changer votre façon de crier que de travailler votre foi. Alors, si il y a une relation qui s'est faite, on change notre façon de jaser avec les gens, le foie va s'arranger tout seul. Ce qui est important, la personne, elle va se dire, bon, mais c'est à cause que j'ai perdu trop souvent, que ma direction ne marche plus. Tu as fait une relation comme ça. Là, elle se dit, bon, j'ai perdu moins. Elle va-tu se réparer tout seul? Oui. Sauf que dans la majorité des cas, l'humain n'est pas encore suffisamment inné, centré dans sa conscience supramentale pour que ça se fasse. Par contre, l'humain va devoir le faire réparer. Et l'avantage, c'est que ça ne brisera pas. Comme ton bonhomme qui a des problèmes avec ses essuie-glaces sans arrêt, il change de véhicule automobile, ça va recommencer. Je n'ai connu un, c'est la même chose. Il y a toujours des problèmes, ça essuie trop loin. Ça déborde tout le temps. Ah oui, ben, c'est une personne spirituelle, elle veut toujours aider tout le monde, puis elle veut essuyer les larmes des autres. Elle veut. Bon. Et là, elle n'a pas compris encore, fait que elle a une Cadillac, ça balaye encore chez les voisins, puis elle avait un usager, puis ça marchait dans tout cas, c'est tout vrai. Ça ne réparera pas, sauf qu'une fois que tu l'as fait réparer, si tu as compris la mécanique, ça ne se recassera plus. Au niveau du corps, au niveau de la finance, la même chose. Il y a un personnage, à un moment donné, lui, c'est un gars qui travaille à la bourse, c'est un courtier, puis il est génial, vraiment génial, puis il fait 60 000 $ en quelques semaines, c'est facile. Sauf que quand il a fait 60 000 $ ben, le reste de l'année, il ne fait plus d'argent. Il gagne 20 000, perd 20 000, il reste à 60 000 dans l'année. Et la personne, ça fait des années qu'elle travaille à la bourse, puis elle ne comprend pas le principe, parce qu'elle se dit, au début de l'année, quand je commence, là, je me fais 60 000 tout de suite. Plus capable le reste de l'année, des mois de temps, plus capable. Alors, à un moment donné, elle a travaillé, puis elle finit par comprendre que son père travaillait aussi à la bourse, puis son père est devenu extrêmement riche, alcoolique, narcomane, tout le tralala au complet. Fait que lui, il a fait une relation au niveau de son ego que la richesse t'amenait à la boisson, à la drogue, etc. Fait que son ego avait toléré qu'à 60 000 $ t'es pas riche, puis on n'ira pas plus loin. Mais ce qui arrive, c'est que la personne, dans sa tête, elle travaille énormément pour faire plus que 60 000. Elle applique les mêmes lois, elle applique les mêmes mécaniques, elle applique les mêmes maudites choses. Ça ne fonctionne pas en haut de 60 000. Alors, elle a fait des études, elle s'est fait étudier aussi. Il n'y a rien à comprendre. Tu vises un boulon, mettons, avec une pression de 3 livres. T'en vises un autre, puis quand t'arrives au troisième, il casse tout le temps. T'sais, c'est la même chose. Là, on étudie. Tu prends la même clé, c'est le même boulon, c'est le même alliage, c'est 3 livres, le troisième casse toujours, ça n'a aucun sens. Mais lui, c'est exactement ça. Puis tu prends le troisième, dans ce temps-là, tu le jettes, tu poses le quatrième à la place. Le troisième, il va casser. Bon. Là, je parle pas de faire des miracles à la spiritualité, là. Je parle de principes qui fonctionnent. Alors, c'est pas une question de dire, ah ben, je vais, tu sais, c'est pas de... Mon cousin était malade à cause de ça, lui, quand il buvait sa quatrième bière. Fait qu'il posait sa prenait la quatrième, mais mettait deux, il prenait la cinquième, il était pas malade. Il était alcoolique, maintenant, donc là. Parce que la quatrième l'arrêtait, tu sais, ça... Est-ce que ça pas la quatrième à chaque fois, ben, ça n'était pas possible. Mais là, ce qu'on doit comprendre, c'est ça, c'est que la personne, ce bonhomme-là, quand il a compris la mécanique au complet, il a réussi à réinstruire son ego, puis subitement, il commence à faire plein d'argent. On parle financièrement. Mais qu'est-ce qui se passait? c'est aussi un processus de miracle. On veut dire que la limite apparente, là, était un signal, était quelque chose ben, à pour lui, c'était suffisant, on va pas plus loin au niveau de son ego. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que le gars ne changeait pas de méthode. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites ce que vous voulez dans votre vie pour ramasser de l'argent. Il y en a qui sont courtiers en immeuble, il y en a qui vendent des choses, il y en a qui sont patrons et patronnes, il y en a qui sont à l'emploi de quelqu'un. Et puis vous voulez de l'avancement, vous faites tout ce qu'il faut, ça ne marche jamais. Vous êtes vendeur, vous vendez, vous vendez, vous vendez, ça plante toujours à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est la même chose que le bonhomme il était parfait, ça fonctionnait son système, mais rendu à 60 000, le même système ne fonctionne plus. Donc il y a des mécaniques au niveau de l'astral relié à son ego qui faisait qu'on ne va pas plus loin. Et ça ne s'explique pas au niveau cartésien, ça n'a aucun sens. Puis quand la personne a compris simplement son anti-miracle, elle l'a réglé, mais c'est mal marché, son système était bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que si votre système n'est pas bon, puis que vous comprenez des choses, ça marche automatiquement, il va être bon. Puis son système était bon, il nous a fait comprendre, son système ne fonctionnait plus. Puis quand il a compris les choses, il va fonctionner. C'est exactement la même chose. On ne devrait pas, personne, manquer de quoi que ce soit, jamais. Sauf, évidemment, ce sont des choses à comprendre. Mais c'est pourquoi on doit se servir de l'extérieur en termes de baromètre. Si on sort de l'extérieur, comment on fait pour savoir si c'est pas l'autre? Disons qu'on a entre nous deux, on se battrait en sortant pour le fun, admettons. OK. Bon, qu'est-ce que moi je dois saisir de cette chose-là par rapport à moi? Puis est-ce que toi, tu as quelque chose à saisir par rapport à toi? Si, oui, ce qui va arriver, c'est bien ça. Mettons qu'on s'engueule, on est deux gueulards. Moi, je commence à regarder l'événement, je me dis pourquoi je gueule toujours avec Charles? C'est à cause de Charles, c'est à cause que c'est pas si tard. Pourquoi j'attire du monde comme ça de bord, tu sais? Centrons la question sur nous-mêmes. Là, je vais comprendre des choses. Puis, je vais commencer à changer des choses pour moi. Pas dans ma relation avec Charles, c'est important. Parce que je ne faut pas que je me serve des événements en essayant de manipuler l'extérieur, pas tout de suite. Ce que je dois faire, c'est comprendre des choses chez moi. En comprenant des choses chez moi, progressivement, il va cesser de chialer, c'est garanti, ou je ne le verrai plus. Il va aller chialer avec d'autres. Mais il y a des choses qui vont changer tout seul. Ça, je n'aurais pas manipulé ta vie. Puis peut-être... pour l'autre, ça peut être une autre leçon, une autre... Oui, c'est pour ça que si on est très identique, peut-être qu'on peut découvrir la même chose tous les deux. Mais plus souvent qu'autrement, ça peut être deux raisons totalement différentes qu'on va régler le problème. Mais un autre point avec la conférence finie, qui est extrêmement importante dans la structure opérationnelle du miracle, premièrement, le fait de faire une mentie en fonction de ce qui nous arrive, corporel ou extérieur, financier, temporel, humain, n'importe quoi, avec un processus même de conscience, ça crée une relation. Quand on va régler la problématique au niveau de notre conscientisation, on va régler le problème à l'extérieur et ça fonctionne toujours. Je l'ai essayé depuis assez longtemps, je sais que ça fonctionne. Mais il y a une autre mécanique aussi, à un moment donné, ce qui va arriver, c'est que dans plusieurs des cas, vous avez un problème, par exemple, quelque part chez vous, et vous trouvez qu'il y a une corrélation avec une problématique extérieure. Et si on commence à s'attaquer à régler la problématique extérieure, par processus inverse, on va préparer le terrain pour régler la problématique intérieure. La personne, elle se rend compte à un moment donné que sa vie, là, c'est un vrai fouillis. C'est le bordel total, il n'y a rien à faire, elle ne comprend rien, elle n'a vraiment rien compris. Puis là, si je regarde, moi, c'est une femme, je regarde sa sacoche, tu sais, je ne rentrerai pas la main là-dedans, tu sais, j'ai pas de perdre. Si c'est un homme, on regarde sa valise d'auto, la même chose, tu sais, tu ne rentres pas là-dedans. Sa maison, c'est pas plus propre qu'il faut, ça peut être dans l'apparence propre, tu sais, tu ouvres le garde-robe, tu te rends compte que c'est pas ça, puis bon. La personne, elle va dire, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça, toute ma vie comme ça. Là, la personne, elle, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit commencer à changer chez elle. Donc, une fois qu'elle a fait la relation avec « c'est un fouillis chez moi, c'est donc un fouillis à l'extérieur », la personne, pour opérer le miracle, pour se donner un coup de pouce, elle devra commencer à se mettre de l'énergie pour commencer à mettre de l'ordre chez elle, exiger l'ordre. Bon, elle est encore tout bordélique, mais là, elle n'aura le bol. C'est parce que l'évolution amène à l'écœurement de l'écœurement. Quand la personne est écœurée, d'être à l'envers, elle finit par se dire « bon, ben écoute, il faudrait que je commence à placer de l'ordre dans ma vie ». Et là, elle devra commencer à mettre de l'ordre dans la maison, dans sa sacoche. Pourquoi? Parce qu'en appliquant dans le dans, tu as créé une relation. En commençant à manipuler cette chose-là aussi, par le processus inverse, ça va commencer à préparer le terrain en dedans, puis ça va commencer à avoir de plus en plus clair toi aussi. La personne a dit, oui, mais j'ai fait un ménage au complet, puis je vois pas plus clair. Non, c'est pas ça, c'est entretiens ton ménage. Tu fais un ménage au complet, puis 3 semaines après, c'est encore venu bordel, il s'est rien passé. Mais tu dois maintenir, appliquer, puis le processus du miracle se fait aussi par processus inverse. Ça veut dire qu'en mettant de l'ordre là, progressivement, il y a de l'ordre à l'intérieur va commencer à apparaître. Et c'est des stratégies qui paraissent souvent banales, ben aussi banales que de respirer, ça nous fait vivre. On pourrait respirer sous l'eau c'est H2O, c'est plein d'oxygène, 2 fois plus d'oxygène que d'hydrogène.